L'exposé scientifique national du secteur de l'architecture verte s'est déroulé les 9 et 10 courants au Palais des sciences et techniques sous les auspices du comité central de la Fédération générale des sciences et techniques de Corée. Y ont pris part les 4 enseignants et chercheurs de diverses unités d'activité comme l'Université Kim Il-sung, l'Université d'architecture de Pyongyang et la Direction d'État des plans. Les meilleures thèses ont reçu les diplômes et primes.